check, Monsieur Morlon, la paix, pour s'exprimer le hip-hop est le meilleur procédé. Pour ceux qui ont des couilles un mic et qui n'aiment pas trop le CD. Je suis Pierre le fou du rap et qui est l'obsédé textuel. Jeter des pointeurs aux flammes et pas au CD. Des faux jetons, dans le rap y'en a de trop. Nous sans chasse on fait notre trou, on n'a pas besoin d'en faire trop. Faux MC, tu veux tester mais tu connais le tarot. On a les guillis qui encaissent et qui te laissent sur le carreau. Paro je me fie à moi et pas aux cartes de tarot. La prod, mais le paro, mon 16, la part haut. Que les auditeurs aillent se shooter sans carreau. Je vois les frères et sœurs fly à l'écoute de notre arbre. Sur ce gros son donne tout ce que j'ai dans le ventre, histoire de lui faire honneur et de mettre la concurrence dans le vent. Collé au mic on lâche pas, je pense ça comme une HK. Celui qui fuit au stage passe en sort comme un lâche. Accroche-toi si tu crois que ça dort. Mille checks dans la place, on réveille les morts. Fais bouger les corps, le mic une canapé. Je crois moi que ça mord. Hip-hop te quiero, musique mi amor. Accroche-toi si tu crois que ça dort. Mille checks dans la place, on réveille les morts. Fais bouger les corps, le mic une canapé. Je crois moi que ça mord. Hip-hop te quiero, musique mi amor. Qu'est-ce qu'on pourrait dire qui a pas encore été dit. Tu crois qu'on a tout dit, mais c'est le premier exemplaire qui t'est offert. Moi je rappe l'underground parce que les boss veulent entendre. Qui pourra featuring sont prêts à tout vendre. Et les wack MC prêts à tout prendre. Je suis briquet allumé à côté de leur rap ensemble. J'ai la plume affûtée et une équipe à défendre. Dans la langue de Molière et mon putain de vocabulaire. Même si j'en ai pas l'air, j'écris des textes à faire pâlir. Je rappe quand c'est pas l'heure, je rappe même pour ceux qui savent pas lire. Je rappe mon vécu et tout ce que j'entends dire. Le meilleur, le pire, un délire. Tout ce qui fait réagir à ceux qui espèrent nous ralentir. Nous nuire, nous travestir. Soi-disant patron du rap, vous en êtes que les sbires. Vos scènes sont dépassées, ils checkent c'est l'avenir. Accroche-toi si tu crois que ça dort. Mille checks dans la place, on réveille les morts. Fais bouger les corps, le mic une canapé. Je crois moi que ça mord. Hip-hop te quiero, musique mi amor. Accroche-toi si tu crois que ça dort. Mille checks dans la place, on réveille les morts. Fais bouger les corps, le mic une canapé. Je crois moi que ça mord. Hip-hop te quiero, musique mi amor. Un triple zéro check, des prises de voix, des prises de tête. Des barres de rire, des soirs de fête. De l'entraide, de la confiance. Tout ce qu'il faut dans une famille en fête. De 0-10, la galette de mes potes est enfin prête, fier, entreprenant, exigeant avec nous-mêmes. On a su se mettre la pression pour ceux qui nous aiment et nous soutiennent. Ça ferait mal qu'un proche jette le scud à la poubelle. Cette putain de musique, on aura tout donné pour elle. Pas prêt de perdre la flamme, encore plein de projets sous l'aile. Les médisants partent en couille façon syndrome de la tourette. Comme le dit Babrat, le peura c'est du rallye. Dans ce domaine on vous pète, on mise pas sur la carrosserie. On vous met des kilomètres comme Choupette. Morlon pour le mille-check, encore un couplet coup de tête. Un coup de mètre et pas un coup de traite. Les complexes et du flow ne savent plus où se mettre. Depuis 2-0-0-7, c'est toujours du mille check. Accroche-toi si tu crois que ça dort. Mille check dans la place, on réveille les morts. Fais bouger les corps, le mic une canapé. Je crois moi que ça mord. Hip-hop te quiero, musique mi amor. Accroche-toi si tu crois que ça dort. Mille check dans la place, on réveille les morts. Fais bouger les corps, le mic une canapé. Je crois moi que ça mord. Hip-hop te quiero, musique mi amor. Check, c'est des straps de la camper. J'ai du flow, des MC qui rappent juste. Pas des mythomanes qui fabulent au micro. Naturel et sincère, pas de superflu dans mes textes. Comme la Refine, je reste fidèle à mon contexte. Ma muse, c'est le quotidien, une source d'inspiration intarissable. Du bout de ma plume, je retranscris nos vies tiens comme héritage. Bouge ton boule, lève la tête, bats-toi pour tes idées. Si on salit ton honneur, rentre dans le tas sans hésiter. Je n'insiste pas à la violence, mais ma patience a des limites. Trop de wack au mètre carré, c'est mettre un pan que ça hérite. Mets du bon dans ta plume, du sky dans ton vin. Un conseil, fais chose qu'elle, qu'est-ce que tu kiffes, que ça craint. 2010, on est halte, 6000 checks, on arrive. Crois-moi, ça dans apps, dans l'ombre, on s'active. On taf taf en zoom zoom, prépare l'offensive. Garde ta garde et protège tes gencives. Accroche-toi si tu crois que ça dort. Mille checks dans la place, on réveille les morts. Fais bouger les corps, le mic une canapé. Je crois moi que ça mord. Hip-hop te quiero, musique mi amor. Accroche-toi si tu crois que ça dort. Mille checks dans la place, on réveille les morts. Fais bouger les corps, le mic une canapé. Je crois moi que ça mord. Hip-hop te quiero, musique mi amor. 44, 44, 44.